franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la lutte du Larzac dans les années 70. Pour toute une génération, le Larzac n'est plus seulement une région du sud de la France, c'est un mythe. Il suffit de rappeler certains slogans, Gardarem le Larzac, de voir quelques images, une brebis avec un casque militaire fleuri, de réentendre les paroles d'une chanson, des moutons, pas de canon, pour que revienne en mémoire le souvenir de cette résistance mémorable. Pendant plus de 10 ans, de 1970 à 1981, les paysans de ce plateau s'opposent à l'agrandissement d'un camp militaire et son cortège d'expropriation. Les gouvernements se succèdent, les ministres changent, mais tous retrouvent sur leur chemin les opposants au projet qui ont fait de la désobéissance civile et de la non-violence leur fer de lance. En 10 ans, le combat des paysans se transforme en un incroyable mouvement national sur lequel s'agrègent des hommes et des femmes de la France entière, et avec eux, toutes les luttes de l'époque, anticapitalisme, antimilitarisme, écologie. Au Larzac, on expérimente le rêve 68art de l'imagination au pouvoir. Pour de nombreux paysans, c'est un baptême du feu politique, le soulèvement d'un cause pour une grande cause. Audace, liberté, originalité, le chant de ces paysans qui disent non, c'est le chant des possibles. En seconde partie d'émission, nous recevrons Léon Maillet et Michel Vincent qui ont tous les deux participé à la lutte du Larzac. Ce sont des témoins directs. Nous entendrons également un reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes où se joue aujourd'hui un combat qui a de fortes résonances avec celui du Larzac des années 70. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 1970, la cavalerie, commune aveyronnaise du Larzac, près de Millau. Ce jour-là, la salle des fêtes du petit bourg connaît une agitation inhabituelle. Un congrès départemental de l'UDER, le parti gaulliste, est organisé. On remarque la présence d'André Fanton, secrétaire d'État à la Défense dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, sous la présidence de Georges Pompidou. Dans l'assemblée, venu écouter le secrétaire d'État, une dizaine de paysans du Larzac ont pris place à côté des militants gaullistes, car ils ont eu vent de rumeurs, ils veulent en avoir le cœur net. Eh bien, ils sont très vite fixés. À la tribune, André Fanton évoque en effet le projet d'extension du camp militaire de la cavalerie. Et il va falloir faire de la place. Les paysans ont compris. Quelque temps après la réunion, André Fanton se justifie. Il y a toujours eu un camp du Larzac. Il est devenu trop petit. Mais on a pensé que la meilleure solution, c'était de l'agrandir, pour la bonne raison que, qu'on le veuille ou non, la richesse agricole potentielle du Larzac est quand même extrêmement faible. Alors, la contrepartie, c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons, en vivant plus ou moins moyenâgeusement, et que il est nécessaire d'exproprier. Les derniers mots d'André Fanton traduisent une lecture biaisée, condescendante de la situation du Larzac en 1970. Parce que, vu de Paris, ce plateau coincé entre Millau et l'Odève, rural et pastoral, est un cause austère et magnifique aux allures de grand désert où quelques paysans épars élèvent leurs troupeaux de brebis et fabriquent le célèbre fromage de Roquefort. Voilà pour la carte postale. Mais la réalité du Larzac, c'est autre chose. Depuis quelques années, une révolution silencieuse est en marche. Sous l'impulsion d'une poignée de paysans venus s'installer récemment, le territoire emprunte le chemin de la modernisation. D'ailleurs, ce sont des pionniers directement concernés par le projet d'expropriation qui les premiers se mobilisent. Les pro et anti-extension s'affrontent sur l'argument économique. D'un côté, le gouvernement promet la création d'emplois grâce à l'agrandissement. De l'autre, les paysans, certains élus locaux et quelques industriels défendent le nouveau dynamisme agricole du Larzac. Alors, l'opposition s'organise. D'abord autour de la FDSEA, antenne régionale de la puissante FNSEA, le premier syndicat agricole. Le 21 janvier 1971, une association de sauvegarde du Larzac et de son environnement est créée. 6 mois plus tard, à la faveur de l'été, de jeunes militants d'extrême gauche arrivent dans la région. Il se trouve que les post-68ards cherchent de nouveaux terrains de lutte, locaux, spécifiques, qui pourraient fédérer les forces révolutionnaires. Alors, ils s'installent sur le plateau, donnent des coups de main dans les fermes et sensibilisent les paysans à leurs idées. En lien avec les ouvriers de Millau, ils lancent des grèves et des attaques contre les bâtiments publics. Une méthode qui braque rapidement les paysans qui comprennent qu'il s'agit là d'une impasse. Mais le 28 octobre 1971, un an après la venue d'André Fanton, Michel Debray, le ministre de la Défense, raide comme une lance, officialise le projet d'extension du camp militaire. Il passera de 3 000 à 17 000 hectares. Et la décision est irrévocable. Une centaine de paysans est concernée par les expropriations. Michel Debray intervient à la télé au début de l'année 72. Derrière toutes les critiques que vous avez entendues ou que vous entendrez encore, se cache en réalité, une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, cette thèse démentie par les faits, démentie par la raison, comme quoi les Français pourraient être libres, la France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale. Je n'insiste pas. Alors, il y a d'autres passions, qui sont des passions plus justifiées, la passion du terroir, la passion d'une certaine économie. Alors, sur ce point, je crois que les passions ont été excessives. Et cette extension du camp du Larzac, qui sera une extension modérée, non seulement sera très utile à la défense nationale, mais apportera à la région du Larzac et à la région de Millau un apport économique positif pour l'ensemble de la population. Face à cette position ferme, les 100 paysans directement concernés se rassemblent. Et ils font un choix déterminant, celui de la désobéissance civile sans violence. En ce début d'année 72, la légende du Larzac écrit ses premières lignes. Comme souvent dans les contes et les belles aventures, c'est une rencontre décisive qui change le cours de l'histoire. Depuis quelques années, s'est installée au Larzac la communauté chrétienne de l'Arche, avec à sa tête un certain Lanza del Vasto. Philosophe, disciple de Gandhi, le vieil homme charismatique à la longue barbe blanche est un apôtre de la non-violence. Dès le début, la communauté de l'Arche a apporté son soutien aux paysans du Larzac. Parmi les actions non-violentes que prône de Vasto, il y a notamment le jeûne. Au printemps 72, il propose aux paysans de se joindre à lui pendant 15 jours pour observer cette discipline. Ils acceptent. À partir du 19 mars 1972, l'action commence. Elle est relayée par la presse et elle intrigue les journalistes qui vont donc à la rencontre de Lanza del Vasto. Comment se fait-il que la guerre soit faite de main d'homme, qu'elle soit préparée et que la main de l'homme ne puisse pas s'empêcher de la faire? Et comment vivre de telle façon que la guerre ne devienne pas inévitable? Je ne suis pas du tout fataliste. Je crois à la logique des causes et des effets. Je crois que si nous lançons une pierre en l'air, il est fatal qu'elle nous retombe sur la tête. Mais il n'est pas fatal que nous lancions la pierre en l'air. Et si nous savons quelle est la cause de nos malheurs, eh bien, il faut l'écarter, cette cause, quoi qu'il en coûte. Ce jeûne de 15 jours est un acte fondateur de la lutte du Larzac. C'est un premier pas hors des sentiers battus pour les paysans. Car jeûner ne va pas de soi, évidemment. Le repas est un élément essentiel dans la vie de ces travailleurs manuels. Pourtant, cette expérience soude le groupe. À son terme, le 28 mars 72, 103 des 109 exploitants concernés par les expropriations s'engagent à ne pas quitter leurs terres. D'où le serment des 103, pacte solennel qui affirme le choix de la non-violence. Ainsi, les actions peuvent commencer. Le 14 juillet, jour de fête nationale, plusieurs dizaines de tracteurs prennent la direction de Rodez pour aller manifester. La colonne sillonne les 90 km qui séparent les exploitations de la préfecture. Sur place, plus de 20 000 manifestants se sont réunis pour soutenir les paysans. L'importance du rassemblement marque les esprits. Mais le groupe des 103 le sait, dans ce pays si jacobin qu'est la France, c'est à Paris qu'on prend les décisions. C'est donc là-bas qu'il faut manifester. Alors, un petit groupe s'organise et met sur pied une action d'éclat. Le 25 octobre, 60 brebis du Causse, estampillées à la peinture « Nous sauverons l'Arzac », sont lâchées sous la tour Eiffel. La photo des bêtes qui paissent sous le monument parisien fait la une des journaux. Cerise sur le gâteau, voir les forces de l'ordre courir derrière les brebis ne manque pas de faire sourire la France. Mais quelques semaines plus tard, le préfet signe le décret déclarant l'extension du terrain avec mention « utilité publique ». Alors, après les brebis, on fait entrer les tracteurs dans la danse. En tête du convoi, le chef de file s'appelle Guy Tarlier. Le but de cette opération, c'est d'essayer de sensibiliser le maximum de gens au problème du Larzac, parce qu'on estime que c'est un problème qui concerne non seulement les agriculteurs du Larzac, non seulement les gens de l'Aveyron, mais aussi absolument tous les Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons entrepris de faire une marche à travers toute la France. C'est un problème qui est extrêmement important. On espère que, sous la pression de l'opinion, on finira par se faire entendre par les gens du gouvernement et pour qu'ils se rendent compte que c'est peut-être une erreur ce qu'ils veulent absolument faire par tous les moyens sur le Larzac. Le 7 janvier 1973, 25 tracteurs du Larzac s'élancent vers Paris. Pour beaucoup de paysans, c'est la première fois qu'ils s'éloignent aussi longtemps de leur ferme et de leur famille. Cette action met en avant Guy Tarlier, l'ancien militaire au physique impressionnant, fait partie des pionniers du Larzac. Et il s'impose rapidement comme le stratège du groupe des 103. Pendant plusieurs jours, le convoi de tracteurs sillonne la France. À chaque étape, une foule immense est là pour accueillir les Larzaciens. Partout, le slogan affiché sur les engins est repris par la foule « Garde à Rem le Larzac ». Pendant une semaine, la France parle occitan. Arrivé à Orléans, les paysans apprennent que toute manifestation à Paris est interdite. Les tracteurs sont bloqués, même pas mal, car la médiatisation de cette action tout au long du parcours a l'impact espéré et la réussite est totale. Le combat du Larzac impose ses symboles avec pour totem le tracteur et la brebis. Original et caustique, l'initiative des gens du Causse, devenu le plus célèbre de France, construit la popularité de la lutte. De son côté, toujours aussi raide, âpre et austère comme un plateau du Larzac un jour d'hiver, Michel Debray, le ministre de la Défense, n'en démord pas. Le projet d'extension du camp militaire est maintenu. Alors, la lutte se poursuit. On a empêché les paysans de gagner Paris, ce sera la France tout entière qui viendra au Larzac. 25 août 1973, alors qu'un soleil magnifique inonde les plateaux aveyronnais, d'immenses bouchons se forment dans les environs de Millau, qui n'a pas encore son viaduc. Toutes les voitures se dirigent vers le même endroit, le Raja del Gorp, la source du Corbeau. Dans ce cirque naturel et somptueux, les paysans du Larzac ont donné rendez-vous à qui veut bien l'entendre pour une marche contre le projet de Debray. Plus de 100 000 personnes, venues de toute la France, répondent à l'appel. C'est Bernard Lambert qui a eu l'idée de ce rassemblement. L'agriculteur breton, membre du PSU, le Parti Socialiste Unifié, a fondé depuis quelques années le mouvement des paysans travailleurs. Il a noué des contacts avec le groupe des 103 du Larzac au moment de leur montée en tracteur vers Paris. Bernard Lambert favorise le rapprochement entre les paysans et les militants d'extrême gauche. Sous son impulsion, convergent au Raja del Gorp des jeunes, des ouvriers, notamment ceux des LIP, qui sont eux aussi entrés en lutte à Besançon depuis avril. À la tribune, Bernard Lambert célèbre cette union. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route en venant avec la marche de l'Ouest. Elle disait, nous allons à un mariage, le mariage des ouvriers et des paysans, le mariage de l'IP et du Larzac. Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. Il vient de naître, par contre, c'est que des paysans sont capables de s'organiser pour rejoindre le combat des ouvriers, des étudiants, contre le capitalisme, le patronat, contre la bourgeoisie. C'est le sens de toute cette marche et c'est le sens de ce que nous ferons. Cette fois, le mouvement de Larzac est à la croisée des chemins. Occitaniste, antimilitariste, anticapitaliste, libertaire, tous se retrouvent sous le soleil véronais. Après les pavés parisiens, c'est au Larzac que se joue l'après-mai 68. Des stands associatifs s'élèvent, des concerts sont organisés et les discours se succèdent. Les jeunes aux cheveux longs, en jean, torse nu, donnent au plateau avéronné de faux airs de Woodstock. La presse insiste beaucoup sur ce mariage apparemment curieux entre hippies et paysans locaux. Le rassemblement arrive comme un point d'orgue, comme la consécration d'une lutte entamée 2 ans plus tôt et qui, à force d'inventivité, parvient à réunir autour d'elle toutes ces personnes et toutes ces idées. Ce qui étonne encore plus les observateurs, c'est la capacité du groupe des 103 à mener ce combat de manière indépendante vis-à-vis des tutelles habituelles. D'ailleurs, les partis politiques et les syndicats agricoles sont présents, oui, mais en arrière-plan. C'est qu'au Larzac qu'on éprouve de nouvelles formes politiques. Au-delà des grandes actions spectaculaires, le groupe des 103 organise aussi des actions locales qui s'inscrivent durablement sur le territoire. Le meilleur exemple est celui de la Blaquière. Le 10 juin 1973, les paysans posent la première pierre d'une bergerie construite sans autorisation sur un terrain concerné par l'extension du camp militaire. Des personnes de toute la France apportent leur aide pour construire le bâtiment. Pour le financer, les agriculteurs détournent l'impôt qu'ils doivent normalement à l'État. Premier acte fort de désobéissance civile. La bergerie est bâtie sur le terrain de Marie-France Giraud, une agricultrice qui prend la parole au cours du rassemblement de 1973 et qui explique cette démarche. Ce que nous défendons et que vous défendez avec nous, c'est la vie, c'est la dignité des hommes et la paix. C'est pour cela que nous avons entrepris la construction de la bergerie. Nous ne voulons pas démolir, mais construire, car construire, c'est la vie. Dans cette bergerie, il y aura des brebis, il y a des agneaux qui vont naître, la vie jaillira. Nous, on s'en servira, mais ce n'est pas notre bergerie, c'est celle de tous les paysans du Larzac, c'est celle de vous tous, c'est celle de tous les gens de France ou du monde. Qui relèvent la tête et veulent vivre debout. Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardons-nous le Larzac ! À l'origine, locale et ciblée, la lutte de Larzac devient en l'espace de quelques années une cause nationale sur laquelle s'agrègent de nombreuses revendications. Mais malgré cette mobilisation à la fin de l'année 73, les paysans du Larzac sont toujours menacés d'expropriation. La bataille est loin d'être terminée. When you're down and trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know. Mai 1974, second tour de l'élection présidentielle. Du côté du Larzac, on scrute avec attention les résultats. À 20h, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est élu président de la République. François Mitterrand échoue et la gauche en reprend pour 7 ans dans l'opposition. C'est l'UDR Jacques Soufflet qui obtient le portefeuille de la Défense. Mauvaise nouvelle pour le Larzac. Cet ancien colonel de l'armée de l'air ne paraît pas enclin à revoir le projet d'extension du camp militaire porté par son prédécesseur, Michel Debré. Alors au Larzac, on reprend son bâton de pèlerin. Les 17 et 18 août 1974, au Raja del Gorp, rebelote. Plus de 100 000 personnes se rassemblent, comme l'année précédente. Cette fois, le slogan affiche une nouvelle couleur. Le blé fait vivre, les armes font mourir. La marche de 1973 actait la rencontre de l'extrême gauche et des paysans. Celle de 1974 sera placée sous le signe du tiers-monde et de l'antimilitarisme. Mais le premier jour du rassemblement, un événement perturbe l'organisation. À 17h30, un invité surprise arrive au Raja del Gorp. François Mitterrand, le leader du Parti Socialiste, pris à partie hier après-midi par des jeunes gens alors qu'il s'était rendu à titre individuel sur le plateau du Larzac où se déroule actuellement la fête de la moisson. François Mitterrand a été longuement conspué et même un peu bousculé par ces jeunes gens. Il a d'ailleurs assez rapidement quitté le cause du Larzac après ces incidents. Des incidents qui ne sont pas du goût des organisateurs de la fête de la moisson. Tout le monde, disent-ils, a le droit d'être sur le Larzac. Nous condamnons toute tentative d'exclusion. Les paysans du Larzac sont furieux de ne pas avoir été prévenus de la visite de François Mitterrand. Cet épisode rappelle à tous que l'option non-violente est un combat de tous les jours. Les 103 du Larzac doivent se montrer soudés pour maintenir la pression et garder le contrôle de la lutte. D'autant que fin 74, début 75, s'ouvre une nouvelle phase dans l'affrontement entre militaires et paysans. D'un côté, au mois de janvier 75, le ministre de la Défense, Jacques Soufflet, charge le préfet de lancer les opérations d'expropriation et une enquête parcellaire est ouverte. De l'autre, les paysans se dotent de structures organisationnelles. Une association, la PAL, pour la promotion de l'agriculture sur le Larzac et un groupement foncier agricole pour combattre le grignotage des terres par l'armée. Grâce au vaste réseau de comités Larzac qui se sont constitués dans toute la France, les paysans réussissent à racheter les terres visées par l'armée sur des endroits stratégiques. La création du journal Gardarem le Larzac, en juin 75, permet de relayer les actions et les avancées de cette lutte. Et puis, des intellectuels et des artistes apportent leur soutien. Ariane Nechkine, Jean Ferrat et Jean-Paul Sartre, entre autres. Autre moyen d'action, l'occupation des fermes achetées par l'armée. Les paysans mettent en pratique leur théorie. Si les militaires occupent les terrains dans la légalité, eux les occuperont dans la légitimité. On entre dans une véritable guerre de position sur le plateau. Les paysans ne cessent d'affirmer leur volonté de se maintenir sur leurs terres. Signe que la situation se tend sur le terrain, dans la nuit du 9 au 10 mars 1975, un événement terrible réveille le Larzac en pleine nuit. Les paysans du Larzac publient un communiqué très violent ce soir pour protester contre l'attentat qui a endommagé la nuit dernière la ferme d'un de leurs collègues. C'était le hameau de La Blaquière qui était visé, ce hameau qui est le centre de la contestation sur le plateau. À 3h du matin, toute l'aile d'une maison a volé en éclats, certainement une charge de plastique. Un conseiller municipal de la ville de Millau, monsieur Gérard Deruy, qui s'est rendu sur place ce matin, estime d'ailleurs que la colère des agriculteurs risque de provoquer des dégâts plus importants finalement que l'attentat de la nuit dernière. Moi je crois que ça c'est un tournant, vous voyez, on en est depuis le début à faire des manifestations comme contrôle, des trucs pacifiques, assez forts, à la limite de la légalité, la théorie des paysans, ça a toujours été, pas de violence, on s'en prend pas aux personnes, on s'en prend qu'aux faits, aux idées, aux actes administratifs, mais jamais aux personnes. Et jusqu'à maintenant, ça a été ça, quoi. L'explosion de la Blaquière est un choc profond. Par miracle, toute la famille Giraud en sort indemne. Mais pour la première fois, la violence s'invite dans cette lutte. Alors, face à cette dérive, les deux parties vont faire un pas en avant pour la concertation. Au printemps 76, des discussions s'ouvrent entre le groupe des 103 et le préfet. Les deux camps montrent une volonté de dialogue, certes, mais sur des positions qui paraissent inconciliables. D'un côté, on maintient le projet d'extension, de l'autre, on refuse toute expropriation. Dialogue de sourds. À l'échelle nationale, maintenant, la stratégie d'ouverture des paysans du Larzac surprend les comités de soutien qui, eux, campent sur une ligne offensive. Pour autant, les paysans finissent par douter des intentions de l'armée. Qu'en est-il vraiment de son plan ? Pour en avoir le cœur net, le 28 juin 1976, un petit groupe s'infiltre dans le camp militaire pour accéder aux documents. Et il découvre que l'extension du camp servira de réceptacle à des batteries de tir. À peine ouvert, le temps de la concertation se referme. Et la guerre de position, marquée par l'occupation illégale des terrains, reprend de plus belle. Et puis le contexte politique national ne joue pas en la faveur des paysans du Larzac. Les législatives de 1978 sont remportées par la majorité. Fort de son succès électoral, le gouvernement accélère les procédures. Dans ce contexte, le 8 novembre, une nouvelle démonstration de force des paysans s'organise avec à sa tête l'incontournable Guitarlier. 724 km à pied, ça fait quand même une longue marche. Ça fait une très longue marche, sûrement, mais enfin je pense qu'elle est à l'échelle de notre détermination. Il y a 18 agriculteurs qui sont engagés à faire la marche de bout en bout, mais en réalité c'est tout le Larzac qui marche avec nous. Vous allez arriver à Paris le 2 décembre, direction l'Elysée. Vous pensez être reçu par le président de la République ? Bien sûr que nous sommes reçus par le président de la République, parce que si tous les gens qui demandaient audience au président de la République faisaient 720 km, je crois que ça ne doit pas arriver tous les jours. Cette marche sur Paris n'est pas une finalité ? Non, c'est une action parmi d'autres. Bon, elle sera peut-être un peu plus spectaculaire que celle que nous avons fait précédemment, mais par exemple la bergerie que vous avez derrière vous ici à la Blaquière, moi à mon avis, a autant de valeur et a demandé autant de détermination que la marche que nous faisons aujourd'hui. Les paysans de Larzac se lancent dans une nouvelle action, comme un écho à la montée des tracteurs à Paris 6 ans avant. Cette longue marche crée l'événement tout au long de son parcours et redonne une dimension nationale à la lutte. Et comme 6 ans auparavant, arrivé aux portes de Paris, le gouvernement annonce l'interdiction de la manifestation. Cette fois, les Larzaciens et leur soutien passent outre. Le 2 décembre 1978, ils sont plus de 50 000 à défiler entre les portes d'Ivry et d'Italie. Dans un silence impressionnant, au seul bruit des bâtons de berger qui frappent le bitume parisien, le Larzac s'impose dans la capitale. Inévitablement, Valéry Giscard d'Estaing est interrogé sur la question lors d'une conférence de presse. Monsieur le Président, actuellement, les paysans du Larzac marchent sur Paris dans le but de vous rencontrer pour vous demander de stopper la procédure d'expulsion pour agrandir le camp militaire. Recevrez-vous ces hommes et ces femmes qui, depuis 8 ans, luttent pour ne pas abandonner leurs terres ? Madame, il y a en France des institutions. Et nous ne sommes pas un régime de pouvoir personnel, grâce à Dieu. Et donc des problèmes comme ceux-là, c'est-à-dire des problèmes d'utilisation de terres à des fins d'utilité publique, doivent être traités par les institutions. Il y a eu des procédures administratives nombreuses qui ont été engagées sur le plan local et sur le plan national. Il vient d'avoir un débat parlementaire qui a eu lieu sur les crédits de la défense et je n'ai pas observé que ce problème ait été posé. Et je considère que c'est au sein des institutions compétentes que ce genre de problème doit être posé et qu'il doit trouver sa solution. De son côté, François Mitterrand reçoit les leaders paysans. Il renouvelle son soutien à la cause du Larzac et promet l'annulation du projet en cas de victoire à la présidentielle de 81. Pour les paysans du plateau, désormais, la donne est simple. Il faut tenir jusqu'à l'élection, surtout qu'en face, on poursuit les manœuvres. À partir du 24 avril 1978, le juge en charge des expropriations se rend sur place et commence ses repérages. Qu'à cela ne tienne, des barrages et des sit-ins sont organisés pour bloquer le travail du magistrat. Pendant 2 ans, la situation s'enlise. Au Larzac, une partie de la population, notamment les commerçants, est favorable à l'extension du camp militaire. Certains paysans des régions alentours accusent ceux du Larzac de vouloir faire grimper les prix de leurs terres. Enfin, au sein même du groupe des 103, les dissensions apparaissent. Ils ne sont d'ailleurs plus que 102 après la défection de l'un de leurs membres. La lutte s'éternise, elle monopolise quotidiennement les opposants, le travail sur les exploitations et les vies familiales sont bouleversés. En 1980, on fête les 10 ans de cette lutte, mais le temps joue contre les paysans. La lassitude guette. Si bien qu'au fil des mois, l'idée d'une extension limitée engrange de plus en plus de soutien. Pour remotiver les troupes, le groupe des 103 relance quelques actions, comme en novembre 80, où il campe pendant une semaine sur le Champ de Mars à Paris. La perspective toute proche maintenant de la présidentielle de 81 permet de tenir et de garder espoir. Le 10 mai de cette année-là, sur le plateau du Larzac, on attend les résultats avec impatience. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Larzac. La victoire de la gauche a évidemment une saveur toute particulière sur le plateau du Larzac. Chose promise, chose due, ça arrive en politique. Lors du Conseil des ministres du 3 juin 1981, François Mitterrand décrète l'abandon de l'extension du Larzac. Le 7 juin, l'armée quitte les 5 fermes qu'elle occupait et le 23 août, les Larzaciens fêtent la victoire avec plusieurs milliers de personnes. Dans la foulée de l'abandon du projet, les paysans du Larzac fondent le premier office foncier de France qui consacre la victoire d'une autogestion collective des terrains agricoles. Et d'ailleurs, depuis 1981, le plateau est devenu le territoire privilégié des luttes écologistes et altermondialistes à travers la figure de José Bové notamment. Pendant 10 ans, le Larzac était le carrefour des contestations et des luttes de la gauche de l'après 68. Au cours de son long combat, les paysans et leur soutien ont eu à cœur d'inventer, d'imaginer, de promouvoir de nouvelles formes d'action. La victoire, après 10 ans de lutte, n'en fut que plus belle. Au Larzac, pendant un temps, oui, on a rêvé d'un autre monde et surtout, on l'a rendu possible. Je rêvais France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bataille du Larzac avec nos deux invités, Léon Maillet et Michel Vincent. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous m'entendez bien, c'est parfait. Vous êtes dans les studios de France Bleu à Montpellier. Alors tous les deux, vous avez participé à la lutte du Larzac. Vous en êtes des témoins directs. Léon Maillet, vous en tant qu'agriculteur concerné par les expropriations. Et vous, Michel Vincent, au cœur du comité Larzac de Millau. Léon Maillet, vous ne faites pas partie des pionniers, hein, ces paysans arrivés au cours des années 60 sur le Larzac, comme Guitarlier par exemple. Mais vous êtes originaire du Larzac et vous avez repris l'exploitation familiale. Quand vous avez appris l'existence du projet d'extension. Comment avez-vous réagi? Est-ce que c'est le ciel qui vous est tombé sur la tête ou est-ce que vous vous êtes dit immédiatement, on ne va pas laisser passer ça et on va se battre? J'ai réagi comme tout paysan à qui on allait prendre sa terre. J'ai essayé de me solidariser avec les voisins, alors que moi, avant, je n'étais pas du tout militant, je ne connaissais rien en politique. Comme je dis souvent, j'étais normal, je votais à droite, j'allais à la messe. Et puis, je me suis lancé là-dedans, et puis, on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et tout à l'heure, en vous écoutant, j'ai été ému, parce que il me semble que chaque fois que le mot Larzac a été prononcé, on pouvait le remplacer par Notre-Dame-des-Landes, c'était exactement la même histoire. Exactement, et nous y viendrons tout à l'heure. Nous irons à Notre-Dame-des-Landes, car effectivement, les résonances sont évidentes et fortes, même frappantes. Donc Michel Vincent, même question, quand vous avez appris ce projet, comment vous avez réagi? Alors, juste une petite erreur. Mmh. En fait, je suis une autochtone, une indigène, je suis de Millau, mais je travaillais à Paris. Et j'ai appris donc l'extension du camp quand j'étais à Paris. Ah oui, donc c'était pire d'ailleurs, non? C'était peut-être encore plus douloureux. C'était douloureux, mais je pense que ça a renforcé ma détermination. Hein. Mmh. Le mal du pays s'ajoutant, je me suis sentie très très solidaire du plateau. Et donc j'ai été très active au sein du comité Larzac Paris jusqu'en 80. Hein, oui, voilà. Vous en prie. Léon, c'est une habitante de Larzac. Bon, voilà. Bon, ça y est, on a remis les choses à leur place. Voilà. Alors, Léon Maillet, les rapports alors, entre les pionniers et les agriculteurs originaires du Larzac, je crois, n'étaient pas forcément évidents. Cette lutte vous a rapproché, c'était un ciment sur tout un plateau. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Mais on était sur le même bateau, fallait bien qu'on essaie de tous se sauver. Mais c'est vrai que moi qui étais né là, je me rappelle mon voisin qui était venu quand il avait 8 ans, moi j'en avais 7, pour moi c'était un étranger puisqu'il venait de 40 kilomètres. Et puis, sans parler des pionniers comme M. Tarlier qui sont arrivés après, la preuve, ils venaient d'Afrique, c'était énorme pour moi. Et puis maintenant, sur le Larzac, il y a, j'allais dire, beaucoup de gens qui ne sont pas nés au Larzac, mais qui ont développé le Larzac d'une manière extraordinaire. On a appris à se connaître les uns les autres, voilà. Alors, le grand rêve de mai 68, ou parmi ces grands rêves, c'était d'arriver à faire l'union entre les étudiants et les ouvriers, ce qui était le cas un temps avant que les syndicats et les partis politiques viennent casser cette logique-là, qui les dépassait, qui les mettait très mal à l'aise. Donc là, il y a eu un essai finalement, plus ou moins transformé, entre les paysans et puis les gens d'extrême gauche qui venaient d'ailleurs. Alors comment ça s'est passé, ça, Michel Vincent? Comment vous l'avez vécu? Bon, alors au départ, effectivement, il y a eu des arrivées de groupes d'obédience maoïste, tout à fait au début de la lutte. Mais ensuite, lorsque les comités se sont constitués, c'est-à-dire en fin 74, lorsqu'on a mis en place une coordination nationale des comités Larzac, je dirais que l'intérêt des comités, c'était la diversité, l'hétérogénéité. Hein. On avait, ainsi que vous l'avez dit dans votre exposé, on avait des autonomistes bretons, basques, occitans, des écologistes, des amis de la terre, des non-violents, des gens d'extrême gauche, bien sûr, et dans les groupes non violents, dans les groupes antimilitaristes, il y avait des chapelles, des nuances. Hein. C'était une fourmilière de groupes qui contestaient tout cela sur l'après mai 68, bien sûr. Mais est-ce qu'à un moment vous êtes dit ce combat, il va être dénaturé s'il est trop politique, s'il est violent, on l'a dit dans le récit. Comment vous avez géré ça, justement? Alors, ce qu'on a géré, sur la base de la non-violence. C'est-à-dire que le groupe des comités, la coordination des comités, a toujours fait confiance aux paysans, et c'était les paysans qui avaient la direction de la lutte. Donc, les paysans ayant fait le choix de la non-violence, tous les comités se sont alignés sur ces positions non violentes. Je ne dis pas que ça s'est fait sans douleur. Il y a eu des comités qui auraient bien aimé un peu en découdre, mais globalement, il n'y a jamais eu d'affrontement et on n'a jamais outrepassé la non-violence. On n'est jamais allé au-delà, jamais. Alors, on sait que les mouvements collectifs ont souvent besoin d'une incarnation, hein, d'un visage, d'une personne. Pouvez-vous nous parler, alors, soit Léon Maillet, soit Michel Vincent, comme vous voulez, de Guy Tharlier, qui s'est imposé comme le leader de cette lutte. Et en même temps, on sent qu'il y a dans le pacte des 103 une vraie attention pour la collectivité, la décision commune. Alors, comment on peut être finalement autogéré en ayant une sorte de chef, si je puis dire? Mais c'est un chef naturel, c'est un leader. Dans un groupe, il y a toujours un leader qui sort. Il n'a jamais été élu, il n'y a pas d'élection pour l'élire, hein. Mais c'est celui qui parle le plus facilement, ou qui a l'esprit plus clair, ou qui comprend plus vite, ou qui a plus de pêche, ou qui n'a pas peur. Il faut apprendre à gérer sa peur aussi dans les manifs. Au début, on ne savait pas le faire. Et lui, Tharlier, n'avait pas trop peur, c'est vrai. Il était très dynamique. Et c'est ce mélange de personnes extrêmement différentes qui a fait que finalement, l'affaire du Larzac est née. Et surtout qu'on avait pris donc le destin en main, nous étions devenus les paysans du Larzac, qui n'était pas une association. Hein. S'il y avait l'association La Palme, mais ça c'était différent. Mais les paysans, nous signons collectivement les paysans, mais il n'y avait pas un nom précis. Évidemment, les autorités savaient qui était le leader dans l'affaire. Hein. J'ajouterais qu'au sein des comités, c'est un petit peu à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de leader. On ne peut pas dire qu'il y ait eu quelqu'un qui ait dominé les comités Larzac. Non, c'était un groupe qui s'est homogénéisé autour de la lutte du Larzac et qui a suivi toute cette ligne et qui a rassemblé. L'important, c'était on fédérait des gens qui avaient des idées différentes autour de la défense de la terre du Larzac, de la non-violence. Parce que il faut juste rappeler qu'il y avait un animateur des comités Larzac, un permanent. Voilà. Oui, il faut coordonner justement parce que l'idée vous êtes dit que pour que cette lutte du Larzac qui est une lutte locale et une dimension nationale, il fallait comme ça un maillage du territoire avec les comités, c'était ça la stratégie. Voilà, exactement. Dès décembre 74, on a eu une première coordination réunion à Millau et on a mis en place une coordination. On est arrivé jusqu'à plus de 150 comités dans toute la France. Et à partir de 75, on se réunissait une fois par mois sur le plateau. Donc c'était des réunions au cours desquelles étaient invités les paysans et au cours desquelles était élaborée ensemble la stratégie que nous allions suivre. Donc c'était très très important pour unifier les gens. Et je crois que l'originalité du mouvement Larzac, de cette solidarité, c'est tous ces liens qui se sont tissés au fil des années. Parce que vous imaginez... une coordination mensuelle, ça soude des gens qui arrivent des quatre coins de France, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes positions. Personnellement, je sais que lorsque nous descendions de Paris en voiture, hein, il faut imaginer qu'on mettait 10 heures. Mmh. Au mieux, on avait une 4L. Hein. En général, c'était des chevaux ou 4L. Et sur des routes nationales, hein, pas d'autoroute. Voilà, sur les routes nationales, on mettait 10 heures et demie. Donc, on roulait toute la nuit. On arrivait le matin à Saint-Martin-du-Larzac, qui était le lieu où il y avait la maison qui avait été occupée par les comités. Et on avait réunion toute la journée. Il y avait, avec les paysans, hein, il y avait la fête le soir. Et le dimanche matin, on synthétisait les décisions. Il y avait un côté festif, vous dites, mais c'est important, il y a des luttes festives, hein, parce que les luttes portent l'espoir, portent aussi la collectivité, ça peut engendrer un aspect festif. Il y avait un côté très très festif, on avait de la chance d'avoir des artistes qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, au niveau du mouvement occitan notamment, et puis il y avait des guitares, il y avait un côté très très boy scout, hein, mais c'était extraordinaire. Personnellement, je me souviens d'une soirée à Saint-Martin où deux personnes faisaient la vaisselle, un non-violent et un copain d'extrême-gauche. Et toute la soirée, ils ont chanté des hits des années 70 et nous reprenions tous en chœur. On n'avait pas l'électricité, on n'avait pas le chauffage, on n'avait pas d'eau. Il n'y avait pas le téléphone. Il y avait 70 personnes dans une salle qui partageaient quelque chose. Et il y avait une grande joie, il y avait un grand plaisir, c'est vrai. J'imagine. Alors, rapidement, parce qu'on va partir à Nantes, là. Allez-y. Il faut dire aux gens qui nous écoutent, le Larzac était gagné sans téléphone, sans internet, sans portable. Ah bah oui, bien sûr. Bon, alors, comme vous l'avez dit très justement, Léon Maillet, d'hier à aujourd'hui, il y a ce trait d'union qui se niche près de Nantes. C'est donc Notre-Dame-des-Landes, où 200 personnes et leur soutien luttent contre la construction d'un aéroport. C'est une lutte qui fait écho, bien sûr, à celle du Larzac, dans l'esprit et dans le fond, car il s'agit aussi, là, hein, d'expropriation, avec en filigrane, un choix de société. Alors, écoutez ces gens ensemble, et puis bien sûr, on réagira juste après. Voilà la ferme. Voilà. Donc, et les vaches. T'as un peu l'essentiel ici. Eh bien. C'est l'heure du goûter, quoi. C'est l'heure du goûter, oui. En voilà une, par exemple, qui boit encore du lait. Voilà 2 mois. Vous savez que pendant le Larzac, à un moment donné, les paysans, ils ont ramené les brebis, je crois, sous la tour Eiffel. Oui. Ils ont fait tellement de choses que... Quand on cherche ce qu'on peut faire, souvent on retombe sur des choses qu'ils ont faites, quoi. Nous, on a fait une opération Tour Eiffel aussi, mais qui n'a eu aucun écho médiatique, mais vraiment aucun. Alors, c'était la première conférence environnementale de Jean-Marc Ayrault. Donc, on est parti d'ici, on a emmené un tracteur et on a emmené 4 ou 5 moutons de chez nous. Et on a organisé un campement sur les pelouses du Champ de Mars. Et donc, on a tenu 24 heures. Voilà, le lendemain, Sylvie allait se promener avec un mouton en laisse. Et puis le mouton, il avait un dossard avec nom à l'aéroport dessus, quoi. Et donc elle a fait la file d'attente pour monter à la Tour Eiffel avec son mouton, par exemple. Sylvie, c'est votre compagne, votre femme? Oui, c'est ma femme, oui. Voilà, donc elle était canardée de photos par les Japonais, etc. Tu vois que c'est trop original, la France et tout. Bon, celle-ci qui est isolée, là, est en chaleur aujourd'hui. C'est elle qui fait ce son, là? Oui. Elle a besoin de rencontres. Oui, oui. Vous êtes 6 autour de cette table. Dominique, comment on peut te présenter? Difficile. Bon, je me présenterai plus un peu comme un poète, peut-être. Poète, chanteur, musicien, qui a raté un peu sa vie de paysan aussi. Mais profondément attaché à la terre, voilà. Et toi, t'es Mika? J'ai 28 ans, je suis là depuis 5 ans. J'habite une maison qui est concernée par les dernières procédures, là, qui expulse sable maintenant. Et vous habitez à combien de personnes dans la maison? On est 6. Comme une colocation un peu? Non, ça, je crois que ça n'a rien à voir avec une colocation. Hein. On vit ensemble et on lutte ensemble. Et moi, je m'appelle Willem. Tu travailles à la Je suis en stage ici chez Sylvie Marcel pour encore 2 mois. Et à côté, je travaille à la ferme Saint-Luther, toi. C'est une ferme qui est squattée et qui a été sauvée de la destruction par le mouvement anti-aéroport, quoi. Est-ce que vous parlez des fois du Larzac ensemble? On a beaucoup à apprendre du Larzac. On en a parlé dans le cadre de la réflexion sur l'avenir. Un peu tout le monde ensemble, on essaye d'imaginer ce que pourrait être la ZAD après l'aéroport. On créera quelque chose de nouveau, c'est sûr, ça ne sera pas un copier-coller du Larzac, parce que ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas les mêmes personnes, c'est pas... Il y a toute la question d'habitat léger, des cabanes, des roulottes, des yourtes qui ne se posaient pas du tout au Larzac, notamment parce que le climat n'est pas le même. C'est les questions qu'on va devoir se poser ici, quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi, mais on peut s'en inspirer quand même, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous avez entendu parler de la blaquière sur le Larzac? Vous savez ce que c'est, la blaquière? Oui, oui. Ah, c'est Dominique. Vous étiez, vous, là-bas, donc. Bah oui. Oui, parce que quand j'étais allé au Larzac la première fois, en 72, c'est ça, voilà, je me suis pointé à la blaquière. Et comme... C'était une bergerie. Précisément la même chose, on ne le fait pas, mais il y a... Ici, par exemple, on est au Limimbou, on est juste à côté d'un bâtiment d'une famille qui a refusé de partir. Depuis l'année dernière, sa grange est en complète réfection. Tous les travaux sont pris en charge par des sympathisants aussi, et la grange est complètement rénovée. En vous entendant, là, ça me renvoyait des choses, là, tout d'un coup. Je pense que la lutte du Larzac, c'était le début des Trente Glorieuses. Il faut remettre ça aussi dans son contexte. On avait encore des années de croissance devant nous. Aujourd'hui, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, on est bel et bien en période de décroissance. L'humanité telle qu'elle est aujourd'hui finira pas le siècle. Il faut quand même absolument inverser le sens de notre économie, de nos dépenses, de nos gaspillages, enfin, etc. quoi. Un des slogans du Larzac, c'était « Le blé fait vivre, les armes font mourir ». C'était un slogan donc à la deuxième marche de 1974. L'adversaire, c'était l'armée, tandis qu'aujourd'hui, l'adversaire, c'est tout notre système qui est en train de détruire les forces de vie de notre planète. la lutte contre Notre-Dame, on lutte pas que contre Vinci, quoi. Je sais pas si au Larzac il luttait que contre l'armée, je sais pas comment c'était à l'époque. Mais nous, c'est pas que contre Vinci, c'est contre le système qui bétonne les terres agricoles, qui crée la misère, c'est contre le capitalisme, quoi. Ici, on a vraiment enfoncé un coin. Il faut vraiment taper dessus le plus fort possible que le projet casse. Après, on en gagnera d'autres, quoi. Petite musique. C'est l'heure de la chanson. Allez, c'est l'heure de la chanson. Et il y a un autocollant sur la guitare. Aéroport, non. Bah oui, voilà. Le fameux autocollant jaune avec l'avion. Voilà, la guitare était restée dans la poussière depuis le Larzac et puis elle est ressuscitée, là. Ouais. C'est vrai, vous l'aviez déjà sur le Larzac. Oui, voilà. Et puis je m'en suis pas servi après. La chanson du Larzac. Vous vous en souvenez? Ah bah oui. Ah, vous pouvez nous la jouer? Ça ne me dérange pas. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons l'Arzac. De gré de force, nous garderons l'Arzac. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Ah bah oui, on a retrouvé cette chanson dans la discothèque de Radio France, figurez-vous, et vous l'entendez maintenant. Léon Maillet, Michel Vincent, ça doit vous faire chaud au cœur quand vous entendez cette personne de Notre-Dame-des-Landes qui dit « on a beaucoup à apprendre du Larzac ». Et surtout, je vois Michou avec ses yeux qui coulent à cause de la chanson. Non, mais la seule différence, finalement, qu'il y a entre Notre-Dame-des-Landes et le Larzac, c'est que nous, nous avons eu la chance d'avoir un homme politique qui a eu assez de sagesse pour arrêter le camp du Larzac. Eux, ils l'ont pas encore eu, mais on compte bien qu'il retrouve cette personne un jour. Ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Vous évoquez François Mitterrand, là? Mais oui, okay, bien sûr. Donc actuellement, l'APAL, l'association du Larzac, qui existe toujours, hein, nous avons envoyé une lettre à François Hollande pour lui demander d'avoir la sagesse, le courage d'agir comme a fait Mitterrand par rapport au camp militaire, que François Hollande arrête le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes solidaires avec eux. Nous connaissons les paysans de Notre-Dame-des-Landes depuis 75 et nous ne les laisserons pas seuls se battre. Et nous pensons que le président de la République a les moyens. Il a la possibilité d'arrêter ce projet inutile. Voilà. En parlant de François Mitterrand, est-ce que vous avez craint un moment, alors je reviens à la lutte du Larzac, à une récupération politique quand il est venu C'est guère possible, parce qu'on est tellement autonomes, originaux, un peu bizarres. Tout le monde aurait voulu nous récupérer, mais n'y arrivait pas à nous récupérer. C'est ça qui a fait finalement notre liberté. On a pensé toujours par nous-mêmes et agi par nous-mêmes. On a toujours fait aussi une différence énorme entre la légalité et la légitimité. Et c'est ce qui nous a permis de gagner. D'ailleurs, pour les OGM, ça a été pareil. On a souvent été dans l'illégalité, et les OGM, ce sont eux maintenant qui sont illégaux. Et c'est même l'État maintenant qui les a fait arracher lorsqu'ils étaient semés illégalement. C'est assez rigolo, la vie, en quelques 7-8 ans. Oui. Vous n'avez jamais baissé les bras, on l'a vu. D'ailleurs, jusqu'à vous avez bien fait, puisque vous avez gagné. Mais est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Est-ce que vous vous êtes dit quelque part, c'est vraiment le combat du pot de terre contre le pot de fer, on n'y arrivera pas? Quand on est seul, c'est ce qui nous arrive. Lorsqu'on est en groupe, quand on a le moral un peu en berne, il y a les copains qui l'ont un peu plus que nous. Et donc, on se soutient les uns les autres, c'est comme ça qu'on avance. C'est un groupe avance forcément. La masse avance. Seul, des fois, on a un peu le cafard, oui. Michel. Oui, j'allais dire, c'est la solidarité qui nous a permis d'avancer. Et ça a été la même chose au niveau des comités, au niveau du mouvement de soutien en général. Hein. Mmh. Nous n'étions pas toujours au top. Et puis je tiens à préciser aussi que lorsque vous parlez du rôle des partis politiques, il faut voir aussi que nous n'étions pas tous sur les mêmes positions. Nous n'avions pas tous exactement les mêmes idées. Le Larzac, c'est pas une secte. Hein. Il y a des moments très, très difficiles de discussion, de réflexion commune. Hein. Je disais qu'on faisait la fête, mais on a aussi beaucoup, beaucoup discuté. On a passé des nuits entières à discuter. Mais je pense que c'est important de s'écouter, d'essayer d'avancer ensemble et d'être solidaires, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais fatalement, pour vivre dans un pays rude, il fallait avoir un caractère rude. C'est pour ça que des fois, on s'agale entre nous, mais bon, ça fait partie de la vie. Bon, Michel, Léon Maillet, Michel Vincent, il me reste à vous remercier infiniment pour avoir participé à cette émission et nous avoir apporté votre témoignage vécu. Évidemment, tout le monde l'aura compris. Au revoir, merci. Nous aussi, on vous remercie. Oui. Ça a été un historique remarquable. Merci, monsieur. Très belle évocation. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la bataille du Larzac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.